Sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec. 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Eh bien, on dirait que c'est un petit peu plus compliqué parce que, comment dire, ça part un peu dans tous les sens. Je vois un bol de toilette, des ciseaux, une prise de courant, une carte de crédit, une mouche, une flèche, des pantalons, un joueur de golf, un ballon, un chat, un chien, des lunettes, un canard en plastique, une casquette peut-être « Make America Great Again » ou peut-être une casquette d'autre chose, un arbre, un trombone, un avion en papier. Qu'est-ce qui réunit toutes ces images? Je dirais une suite de symboles avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Hop. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission qui se passionne pour les sonorités nouvelles, les musiques inclassables et l'art des sons. Parmi les spectacles de nouvelles musiques présentées en web diffusion par le Vivier à Montréal au cours des derniers mois, il y a ce projet concocté par l'auteur-compositeur Jérôme Minière, le Quatuor Quasar et Jean-François Laporte qui a vraiment piqué ma curiosité. D'abord intitulé « Je ne suis pas un robot », une affirmation assez commune, assez directe, m'a semblé une belle entrée en matière. Et puis, à fouiller un peu, j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante de combiner l'univers poétique de Minière, connu pour ses réflexions sur la technologie ambiante, à l'univers musical de Quasar, caractérisé par l'expérimentation sonore tirée de leurs instruments avant, et à celui de Jean-François Laporte, connu pour sa lutherie visionnaire. C'est donc un plaisir pour moi ce soir d'accueillir pour vous Jean-Marc Bouchard du Quatuor Quasar, avec qui je me suis entretenu il y a quelques semaines au sujet de ce projet désormais spectacle. Alors, pour mettre ça en contexte, « Je ne suis pas un robot » est un spectacle musical et sonore qui explore les aléas de la culture numérique dans nos vies quotidiennes en évoquant, pour reprendre un peu leurs termes, la robotisation de l'humain et l'humanisation de la machine. Beau paradoxe, en effet. Alors, combinant le concert conventionnel et l'approche narrative, voire poétique, le spectacle « Je ne suis pas un robot » est une performance multidisciplinaire autour des compositions de Jean-Marc Bouchard, Alexander Schubert, qui est d'origine allemande, Jérôme Minière, Jean-François Laporte et Sergueï Mengart, un compositeur danois. « Je ne suis pas un robot » est aussi le fruit d'une collaboration sur le plan visuel avec la plasticienne Marie-Pierre Normand. Ben voilà, tout est en place pour cet entretien que m'a accordé Jean-Marc Bouchard du Quatuor Quasar. Jacques Prévert. La bonne réponse est, ouvrez les guillemets, ne rêvez pas, ouvrez la parenthèse, l'ordinateur, fermez la parenthèse, fermez les guillemets. C'est un poème de Jacques Prévert. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, je dirais, parce que pour un humain, là, c'est la même chose, en fait. Alors, je comprends pas pourquoi... J'imagine que cela ne vous dit toujours rien. Non, ça me dit pas grand-chose, non. Et ça non plus. Et ça non plus, non. Erika. Et ça non plus. Non. Et ça non plus. Ça non plus, non. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Salut Jean-Marc du Quatuor Quasar, bienvenue à l'émission, heureux de te retrouver. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Ouais, Jean-Marc, vous sortez à peine de ce beau spectacle que vous avez présenté samedi dernier à partir de la scène du Jésus à Montréal, un spectacle sur le web intitulé « Je ne suis pas un robot ». C'est un travail de collaboration avec Jérôme Minière, Jean-François Laporte et Marie-Pierre Normand, notamment. Dis-moi, comment ça a émergé ce projet de performance-concert? Et ça a commencé. Ben ça fait longtemps que je rêve d'un spectacle, moi, qui est plus qu'un concert. En fait, ça enlève rien au concert. J'adore les concerts traditionnels, mais j'ai toujours eu envie de faire des concerts à plus grand déploiement. Et là, il est arrivé qu'en 2018, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Des épiceries musicales, c'est une production des Escales improbables de Montréal, une chose assez farfelue. Où est-ce qu'on est? On est maraîcher, mais on est vendeur de musique en même temps, puis musicien. Bon, c'est une affaire. J'ai rencontré Jérôme Minière, que je connaissais un tout petit peu, là, parce que je connaissais de réputation. Et puis, on a passé l'été à travailler ensemble. On a fait une série de 25 concerts sur l'île de Montréal, dans toutes sortes de parcs. Fait qu'on a eu le temps de jaser de toutes sortes d'affaires, puis de se découvrir des atomes crochus. Lui, il est plutôt du côté pop, avec une tendance, disons, expérimentale. Puis nous, on est plus du côté expérimental, bon, peut-être avec une petite touche plus pop, si on veut. Et puis, là, j'ai eu envie de faire un spectacle où est-ce qu'on mettrait du monde ensemble, mais qu'on déciderait pas a priori de ce qu'on ferait. On se rencontrerait, puis on construirait tout le monde ensemble la chose, pour que ce soit vraiment une expérience commune. Et puis, on s'est mis... tout de suite à faire des rencontres à peu près à tous les mois, au début des deux semaines ensuite. On a discuté. Ça a donné lieu à une première mouture en 2019. Parce que les Escales improbables étaient coproducteurs avec Quasar à ce moment-là et Totem. Et puis là, on s'est retrouvés sur le toit d'un stationnement qui s'appelle le stationnement Etel ou le centre Etel, c'est à Verdun. Et puis on était sur le toit d'un sixième étage d'un stationnement extérieur, donc en plein air. Et puis, on a fait une première version qui était vraiment le fun, mais c'était plutôt du côté de l'happening, si on veut. Il arrivait bien des choses, puis c'était très rigolo. Et puis, on était complètement costumés à ce moment-là avec des costumes de peintre, mais comme si on était des chercheurs, parce qu'on cherchait un virus dans l'ordinateur, et puis bon. Et puis, on avait l'intention de le refaire, mais la question de jouer costumé de cette manière-là avec l'idée du virus après le COVID, ça donnait, c'était autre chose, hein. Fait que là, on a poursuivi l'aventure et on s'est associé avec d'autres gens aussi. On a grossi l'équipe et puis ça nous a amené à cette deuxième version qui était vraiment raffinée. Donc, on a poussé l'expérience jusqu'au bout vraiment avec celle-ci-là. Donc, ce travail avec Jérôme Minière qui assure la scénarisation, ça a donné lieu à la construction d'un spectacle thématique, critique de l'univers des technos et qui repose sur des compositions sonores d'une belle stature tout de même sur le plan de l'expérimentation. Oui, eh bien, absolument. Jérôme lui-même, d'ailleurs, a composé une pièce qui s'appelle Capcha, qui est faite en collaboration avec Quasar et Jean-François. Mais comme répertoire comme tel, il y a deux pièces du répertoire de Quasar qui ont été insérées dans ce programme. Et c'est Alexander Schubert, une pièce pour vidéo, c'est-à-dire une pièce pour électro et vidéo. Et Sergei Meingart aussi. Ces deux pièces qui ont été issues de notre série, qui ont été commandées dans le cadre de notre série électro. Une de 2016, la première de Schubert, et une de 2018 de Meingart. C'est des pièces qui sont très, très puissantes, autant par la vidéo que par le son. C'est des deux jeunes compositeurs allemands qui vont à fond la caisse, je dirais. Et autrement, ben, il y a une pièce de moi qui s'appelle dans un magasin qui n'existe pas. C'est pas vrai. Je recommence. C'est une pièce de Jérôme Minière qui s'appelle Dans un magasin qui n'existe pas. Mais moi, j'en ai fait un arrangement pour Quatuor de saxophone. C'est une pièce de 3 minutes, mais j'en ai fait une pièce de 9 minutes. C'est-à-dire qu'une grande partie centrale basée sur le matériel de Jérôme, du thème que j'ai vraiment développé. Et puis, voilà, ça a donné lieu à une pièce finalement pour 14 quatuors de saxophone. Alors Jean-Marc, on écoute cette pièce de Jérôme Minière intitulée « Dans un magasin qui n'existe pas », une pièce dont tu as fait les arrangements pour saxophone et chant. Alors on écoute ça. La route encore humide, les orages sont passés. les aboiements d'un chien résonnent au loin. Je rentre chez moi d'un bon pas dans un magasin qui n'existe pas. J'ai acheté du silence, des instants calmes et paisibles dans un magasin qui n'existe pas. Et ça ne coûte rien sur le bord de la route, des nuées d'oiseaux partent vers le sud. Nous les humains devenus sédentaires, par inadvertance, parce que nous ne savions plus voler, si ce n'est dans la caisse parfois. Je rentre chez moi d'un bon pas, mais je pourrais aller n'importe où, n'importe où. Thank you. dans un magasin qui n'existe pas. J'ai trouvé des choses sans nom dans un magasin. Des nuées d'oiseaux partent vers le sud. Et ça ne coûte rien, on reste cloué au sol. On regarde le défilé des cumulonimbus en marchant vers je ne sais où. Des nuées d'oiseaux partent vers le sud. Et ça ne coûte rien. Des nuées d'oiseaux partent vers le sud. Et ça ne coûte rien. Des nuées d'oiseaux partent vers le sud. Et ça ne coûte rien. Jean-Marc, ce spectacle, Je ne suis pas un robot, qualifié de rétro-futuriste, il jette un regard assez critique sur la robotisation de l'humain et, je dirais en contrepartie, sur l'humanisation de la machine. Comment s'est-il développé ce thème-là sur le plan artistique? Bien, d'abord, c'est un thème que Jérôme, en tant que poète, avait quand même développé passablement. Il avait fait, entre autres... Ah là, je me souviens plus du titre exact de cette chose-là, le en boîte, la musique en boîte, quelque chose comme ça. Et puis, c'était l'histoire de chômeurs qui descendaient dans un ordinateur, il y avait de la musique là-dessus, c'était complètement loufoque aussi. Mais l'idée de la machine est vraiment au cœur de sa pensée. Il y a une phrase que j'adore de lui qui dit « Est-ce l'humain qui se machinise ou la machine qui s'humanise, par exemple? » Donc, il s'est mis à développer, il a fait une scénarisation, alors que nous, comme tels, on fait partie, on est à l'intérieur d'un ordinateur. Quasar, c'est le disque dur, c'est le système de l'ordinateur. Jérôme, avec Marie-Pierre Normand, qui est sa conjointe, sont à notre droite. Eux, c'est le desktop, c'est le bureau de l'ordinateur. Et Jean-François est le disque dur. Donc, tout ce qui se passe, c'est comme si ça se passe à l'intérieur d'un ordinateur. Et puis, ben, ça donne lieu à... Au début, ça va bien. L'ordinateur, on démarre l'ordinateur. Et l'ordinateur nous dit bonjour dans toutes les langues, comme on peut voir. Puis, il va vanter un peu... Les mérites de notre système. Et puis la première pièce qu'on joue qui est enchaînée avec ça, c'est une pièce qui s'appelle Hello, du compositeur allemand dont je parlais tout à l'heure, Alexander Schubert. Là, ensuite, il va pousser un peu plus sa recherche après cette première pièce. Il revient, puis là, il fait une recherche, il raconte toute une histoire, puis il fait une recherche qui porte le mot magasin. Et puis là, on tombe dans le magasin qui n'existe pas. Et puis là, c'est le système qui répond à Jérôme en lui disant « c'est ça qu'il te faut, la chanson ». Puis là, ben, ça se transforme en chanson tout à coup. On tombe dans un univers plus poétique, plus immédiat, disons. Et puis, voilà, mais ça s'enchaîne, des pièces s'enchaînent comme ça. Donc, c'est une pièce, un bout théâtral, mais c'est vraiment intégré ça. On tenait vraiment à tout intégrer ça ensemble. C'est un spectacle continu qui va du début jusqu'à la fin. Et puis, à la fin, ben la machine va... littéralement explosé. Et puis là, on a beaucoup de plaisir. C'est là où intervient Jean-François Laporte avec sa soufflerie, parce qu'il fait une pièce avec des ventilateurs. Et puis c'est pour éteindre le feu qui est pris dans l'ordinateur. Bon, on retrouve deux pièces de Jean-François Laporte, si je ne m'abuse, dans le programme de performance, c'est ça? Il y a deux instruments. C'est-à-dire que lui, il a son instrument qui appelle feedback, un instrument de feedback analogique, si je ne me trompe pas. Il y a des plaques grinçantes, des plaques sur lesquelles on va faire des grincements en poussant des objets de métal dessus. Ça, c'est pour le quatuor aussi. Et puis, dans toute cette histoire-là, en développant tout le spectacle, on s'est rendu compte que la pièce qu'il voulait initialement comme une seule pièce, c'est divisé en trois parties. Il y a une partie pour lui sur une table où il fait des grincements avec Marie-Chantal au soprano. C'est C'est un duo qui n'est pas très long. Un peu plus tard, c'est les mêmes tables de grincement, mais là, on est rendu les quatre à faire des grincements, puis Jean-François au bout, donc c'est un quintet de grincements, c'est plus gros. Puis à la fin, on revient tout. Donc, c'est une introduction à sa pièce, un développement de cette introduction-là, et puis le grand développement à la fin. C'est comme ça que ça avait l'air logique. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission à propos de ce spectacle intitulé « Je ne suis pas un robot ». C'était présenté en décembre dernier en web diffusion par le Vivier, un organisme qui se dédie aux musiques nouvelles à Montréal. Cela dit, je vous reviens après un bref battement promotionnel, alors restez des nôtres. CKRL 89.1, Québec. Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça, après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine, à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec. Vous écoutez La Croche-Oreille. Bonsoir à toutes et à tous qui êtes à la bonne antenne. C'est la Croche-Oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1 jusqu'à 22h. J'en profite pour vous rappeler, comme à l'habitude, que vous pourrez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions qui ont été produites jusqu'à maintenant. Cela dit, je poursuis avec vous l'échange entamé en première partie d'émission avec Jean-Marc Bouchard du Quatuor Quasar à propos de ce beau spectacle présenté en web diffusion en décembre 2020, un spectacle intitulé « Je ne suis pas un robot ». Il s'agit d'un spectacle musical et sonore qui amalgame les musicalités contemporaines du Quatuor Quasar, l'univers poétique de Jérôme Minière, les instruments inventés de Jean-François Laporte, la créativité de l'artiste visuel Marie-Pierre Normand et l'imagination scénique de Maxime Genois. Le projet est une coproduction de Quatuor Quasar, de Totem Contemporain, du Vivier et des Escales Improbables. Alors, comme le souligne Jean-Marc Bouchard, que je reçois en entrevue ce soir, le spectacle « Je ne suis pas un robot » est une exploration artistique assez inédite, au carrefour, je dirais, de la musique populaire et des sonorités contemporaines. Alors, d'entrée de jeu, pour cette seconde partie, je vous propose qu'on écoute une création de l'Allemand Alexander Schubert, une pièce, une création intitulée « Hello ». Thank you.

the idea. Then in the end, is to sort of speed it up quite a bit, and then to sort of finish with exactly this interview. And after that, because I think it's a bit silly to stop like this, or it doesn't, I don't know, I think it needs some sort of a bang at the end. I just want to go to like one short repetition or like a short sequence of events, then have the word hello blend in for the final time, and then have a click sound, and that should be it. So the last part, or this fast sequence, would be this. Jean-Marc, parmi les compositeurs qui composent le spectacle, Jérôme Minière, Jean-François Laporte et Alexander Schubert, il y a ce compositeur allemand, Sergei Mengart. J'aimerais ça que tu me parles de cette proposition artistique parce qu'elle est plutôt substantielle et que c'est un compositeur à découvrir. D'abord, c'est un type très sympathique qu'on a invité ici à Montréal en 2018. Dans le cadre de notre série électro, comme on fait à chaque deux ans. Et on a fait une semaine de travail intense, et puis on a fait des ateliers. Donc, lui, la façon dont il procédait, enfin, ce que j'observais, c'est qu'il se promenait avec sa caméra toute la journée. Il allait prendre des scènes de la ville, de la vie montréalaise, et il revenait avec nous en répétition. Et puis là, ben, on voyait ces images-là, et puis il nous amenait un petit bout de musique à chaque jour, puis on voyait comment la pièce se construisait. Fait que finalement, c'est un voyage à l'intérieur de la ville de Montréal, mais c'est aussi, ça a rapport à l'identité d'aujourd'hui. Tu sais, on est sur Facebook, on est sur tous les médias, tout ça. Est-ce qu'on est en train de perdre notre propre identité, de se perdre dans l'électronique? Parce que sur la scène, il y a nous quatre. Et au-dessus de nous quatre, il y a un carré dans lequel se passe une vidéo. Et ce sont des avatars de nous-mêmes. Là, on voit toutes sortes de transformations là-dessus. À un moment donné, il y a des oreilles qui poussent à Marie-Chantal, où la face d'André se transforme en la face de Mathieu. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ça, c'est pour une grande section de la pièce. Et voilà. Puis la musique est très, très, très énergique. Lui, il fait un petit pied de nez à... disons, à la musique classique, parce que c'est de la musique contemporaine, bien sûr, mais il fait un petit pied de nez à l'establishment, parce qu'il n'a pas peur qu'il y ait bien du rythme, et puis taper du pied, ben, ça devient un peu disco par bout, mais évidemment fait d'une manière assez particulière. Mais c'est très, très énergique, et ça nous pousse à nos limites ultimes, parce que c'est très, très, très, très, très, très, très difficile. D'ailleurs, en pratiquant ces deux pièces-là, qui sont les deux pièces qui sont difficiles toutes les deux, des fois, on se demandait, on avait l'habitude de dire, on n'est pas des robots, on peut pas, parce que nos limites, c'était vraiment au-delà aux confins de nos limites. Donc, c'est très excitant, ces deux pièces puissantes, et ouais, c'est très, très, très bien. Jean-Marc, le temps file, je m'en voudrais d'oublier tes complices de Quasar, Marie-Chantal et Mathieu Leclerc, André Leroux. Et dis-moi, c'est quoi l'avenir du projet Je ne suis pas un robot dans les prochains mois? Il y a des diffusions en personne, des diffusions sur le web? L'avenir du projet, l'avenir immédiat du projet, c'est un montage qui s'en vient bientôt, qui va être un objet plutôt cinématographique, dans le sens qu'il y a eu la diffusion web. Mais on a fait deux diffusions et on a fait aussi toutes sortes d'autres prises. Donc, on avait une très, très bonne équipe de cinéastes dans le projet. Et puis là, on va faire un montage, mais plutôt cinématographique que live. Donc, les œuvres vont être quand même intégrales. Donc, ce produit-là va sortir au début 2021. Et puis, il va être en vente, il va être disponible sur le site de Quasar, sur le site du Vivier aussi. Et entre-temps, on a toute l'équipe a la ferme intention de reprendre ça. Et là, on va se mettre à faire de la promotion. Après, si on va contacter des gens, on voudrait bien en faire une tournée. C'est sûr que ce serait peut-être plus facile dans des pays francophones. Mais qui sait, peut-être à un moment donné, vu qu'il y a deux compositeurs allemands et qu'on a fait beaucoup de choses avec en Allemagne, peut-être une version en allemand. Jérôme parle un peu l'allemand, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est un projet qui a beaucoup de potentiel. Cela dit, Jean-Marc, en clôture de conversation, vous préparez une collaboration avec des artistes et musiciens du Pays Basque. J'aimerais ça que tu me parles de cet échange qui s'en vient là. Oui, bien ça, si tout va bien, ça devrait se passer, le concert à Montréal, à l'espace Wilder, à la salle orange de l'espace Wilder. Et puis, ça serait le 18 mars. Je dis ça serait là parce qu'on le sait, hein, ça vient vite quand même le mois de mars. Maintenant, on fait attention avant de trop s'aventurer à donner des dates. Mais si c'est pas là, ben ça va être repoussé. C'est un échange entre les Pays Basques et le Québec. Et nous, on va recevoir le trio Zoukan. Le 18 mars à l'espace Wilder, ce sera la journée du concert. Il devrait arriver 3 ou 4 jours avant pour les répétitions. Et c'est un groupe un peu particulier d'un percussionniste, d'un accordéoniste et d'un joueur de titou. C'est une espèce de flûte et Alors, on a fait une offre, un appel de candidature pour avoir des compositeurs pour ça. Et ici, au Québec, c'est le groupe Ducan qui a choisi la compositrice Émilie Girard-Charret, qui fait très bien par les temps qui courent. On entend parler d'elle, et pour cause, elle est très, très en demande, elle est très bonne. Et du côté des Pays Basques, c'est Quasar qui a choisi le compositeur. Et c'est un type qui s'appelle Miguel Matadoro. On a été très surpris du matériel qu'on a reçu des compositeurs basques, très, très solides, de l'écriture musicale bien développée, très originale. Alors, il y a ces deux créations-là qu'on va faire à sept, parce que ces deux pièces-là, c'est des créations pour le trio et le quatuor. Et puis, il y aura d'autres pièces de eux, une pièce de Ignacio Ferrando, que je ne connais pas encore très bien, mais eux, ils ont choisi de nous présenter ce compositeur-là. Et nous, on fait une création de Michel Gonneville pour compléter le programme. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. Jean-Marc, grand merci de m'avoir accueilli en téléprésence dans vos espaces de répétition. J'espère qu'on pourra se croiser prochainement dans le cadre de vos tournées à venir. J'espère bien. Oui, salutations à toute l'équipe. Salut et à bientôt. Je connais ce poème. Ne rêvez pas. L'électronique rêvera pour vous. Ne lisez pas. L'électrolyseur lira pour vous. Je connais. Ne faites pas l'amour. L'électrocoïtal. Bon, voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir sur cet extrait sonore tiré du spectacle Je ne suis pas un robot, un spectacle présenté en web diffusion en décembre dernier sur la plateforme du Vivier à Montréal. Sans doute que le spectacle poursuivra sa route, on l'espère, avec les artistes bien en chair, bien en personne au cours des prochains mois. En tout cas, on le souhaite. Et j'en profite pour dire un grand merci à Jean-Marc Bouchard de m'avoir accordé cet entretien. Mes remerciements vont aussi à toute l'équipe derrière ce spectacle. Alors, quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL, c'est le 89.1, pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. La route encore humide, les orages sont passés, les aboiements d'un chien résonnent au loin. Je rentre chez moi d'un bon pas dans un magasin qui n'existe pas. J'ai acheté du silence, des instants calmes et paisibles dans un magasin qui n'existe pas. Et ça ne coûte rien sur le bord de la route, des nuées d'oiseaux partent vers le sud. Nous les humains devenus sédentaires, par inadvertance, parce que nous ne savions plus voler, si ce n'est dans la caisse, parfois. Je rentre chez moi d'un bon pas, mais je pourrais aller n'importe où. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça. Après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là.